Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 1er du troisième traité. Troisième paragraphe. Marie préservée dans sa conception de la tâche du péché originel. Note du traducteur. Le dogme de l'Immaculée Conception était encore à l'état de pieuse croyance dans l'Église, à l'époque où l'auteur écrivait, aujourd'hui c'est une vérité de foi qu'il n'est plus permis de révoquer en doute. Notre Saint-Père le pape Pie IX, en vertu de son autorité apostolique, a déclaré et défini que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie fut, dans le premier moment de la conception, par une grâce et un privilège singulier du Tout-Puissant, et en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservé et exempté de toute souillure de la faute originelle, est une doctrine révélée de Dieu, et qu'en conséquence elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles, confer ineffabilis Deus. 8 décembre 1854. Cette observation une fois faite, nous nous abstenons de rien changer à l'auteur, si les arguments par lesquels il prouve la vérité de l'Immaculée Conception ne sont plus nécessaires pour nous convaincre, ils servent encore à nous édifier et à éclairer notre foi. Fin de la note. Nous voici arrivés au point le plus délicat, et dont la décision intéresse le plus vivement les enfants de Marie, il s'agit de savoir si, par un privilège unique, elle a été préservée de la contagion universelle du péché originel. Cet article a été en butte à des controverses fréquentes et animées, spécialement du temps de Scott, voire Bénédicte XIV, Infesto Conceptionis Beata Virginis numéro 5, 6, bien des clameurs furent suscités, et par les défenseurs de ce privilège, et par ceux qui l'attaquaient. On vit, dès le temps même de Scott, l'Université de Paris où la Sorbonne embrassait solennellement ce pieux sentiment, suivi ensuite par d'autres universités et par d'innombrables théologiens, qui écrivirent pour la défense des prérogatives de Marie. Les pères du Concile de Bâle voulurent en faire un article de foi, en définissant expressément l'Immaculée Conception. Il convient d'avertir toutefois que dans le temps où ils publièrent cette définition, ils ne formaient plus un concile, mais plutôt une assemblée schismatique. Des instances furent faites dans la suite au Cinquième Concile de Latran, au Concile de Trente, et à divers souverains pontifes pour en obtenir une déclaration décisive, mais, comme le remarque Benoît XIV, Ibidem, numéro 24, on n'a rien pu faire jusqu'à présent. La question est donc restée tout à fait indécise, et chaque fidèle est libre de suivre le sentiment qui lui paraît le plus vraisemblable. Il n'existe pas cependant une égale liberté d'en parler, puisque, pour éloigner les scandales qui naissaient fréquemment de cette controverse, Grégoire XV, entre autres, défendit tout particulièrement de discuter cet article, sauf une autorisation particulière. Il fut même spécialement défendu d'affirmer quelque chose de contraire à la pieuse croyance, mais il ne fut jamais défendu de la soutenir, pourvu qu'on le fît selon les règles de la modération chrétienne, et qu'on se gardât de taxer d'hérésie l'opinion opposée, ou d'avancer qu'on ne peut l'embrasser sans pécher mortellement, Ibidem, numéro 15. Mais voici ce que dit Benoît XIV, numéro 16. L'Église penche davantage vers la pieuse opinion de l'Immaculée Conception, bien que le siège apostolique n'ait encore rien défini expressément sur ce point. Les enfants de Marie peuvent donc librement et avec joie embrasser cette opinion, qui honore tant leur mère chérie, qui réjouit dans le cœur de ses enfants et qu'on peut suivre sans danger, puisqu'en cela on ne fait que pencher du même côté que l'Église catholique. Certes, ce sera toujours une grande et belle chose pour un enfant de l'Église catholique d'incliner pour le parti vers lequel incline sa mère. Il est toujours sûr de ne pas tomber avec elle. Celui qui pense différemment fait-il donc mal? Est-il coupable? Je n'ai garde de le dire, et je ne le dirai pas, aussi longtemps que notre mère la Sainte Église ne se sera pas prononcée. Il pourrait pécher, si sa propension pour l'opinion contraire naissait d'une certaine aversion pour les gloires de Marie, ou si, persuadé de la vérité de notre sentiment, il refusait d'y adhérer, par la honte de devoir se rétracter. Mais il ne péchera certainement pas aussi longtemps qu'étant dans la bonne foi et croyant son opinion plus probable, il la suit comme telle. Quoi qu'il en soit, ces choses doivent être abandonnées au jugement de Dieu et de l'Église. Du reste, chacun est libre de penser comme il le juge mieux, sur cet article comme sur tant d'autres que l'Église n'a pas définis. Pour moi, je trouve assurément mieux de croire que la Vierge Marie a été conçue sans péché, tout à fait pure et immaculée, et je suis presque sûr que le lecteur pense comme moi. Seulement il désirerait voir, je crois, sur quel fondement repose cette croyance. Je serais trop long, si j'allais les exposer dans toute leur étendue, je me contenterai d'en toucher brièvement quelques-uns. Je laisse de côté les raisons de simple convenance, de relation, etc. Tous les théologiens savent très bien que de tels arguments ne prouvent qu'après coup, ils servent à confirmer une vérité déjà connue, mais ils ne sont pas assez forts pour l'établir. Je passe encore sous silence les révélations qu'on dit avoir été faites sur cet objet, quelle que soit ma vénération pour ces sortes de révélations faites à des serviteurs de Dieu en particulier. Je n'aime pas d'en faire le point d'appui de mes résolutions. Je ne m'arrêterai pas non plus à tirer des preuves de l'interprétation d'un grand nombre de passages de l'Écriture, qui semblent démontrer avec quelque évidence que la très sainte Vierge fut absolument exempte de toute faute. J'en ai dit quelque chose en parlant des figures de Marie. Je ne rapporterai ici que des arguments tirés de l'esprit de l'Église et des écrits des saints pères, spécialement de saint Anselme, de saint Bernard et de saint Thomas. Ce sont précisément, remarquez-le bien, ceux qu'on dit avoir été du sentiment contraire, qu'ils l'aient été réellement, j'y consens, mais je dis seulement qu'ils ont posé des principes, qui, rapprochés de la conduite actuelle de l'Église catholique, produisent des arguments bien forts. Je dirais presque tout à fait concluant, en faveur du pieux sentiment. Il me semble donc qu'on peut dire de chacun d'eux, ce que Suarez a dit de saint Bernard. S'il avait vécu de nos jours et observé la pratique de l'Église catholique, il aurait parlé d'une toute autre manière de la conception de Marie, confère saint Thomas, somme 3e partie question 27, article 2. Nous ferons donc, je crois, chose agréable à leurs yeux en nous attachant plutôt à leur esprit qu'à leurs expressions. Commençons par saint Anselme. Ce saint docteur met en avant cet axiome, savoir, que l'Église a toujours regardé comme inconvenant de dire à la louange de Marie quelque chose qui ne puisse être avancé avec certitude. Confère de Excellentia Virginis Mariae, chapitre 2. Note du traducteur, notre auteur, comme beaucoup d'autres, notamment le père Péron, De Immaculée, Bienheureuse Vierge Marie conceptu, page 40, attribue le livre de Excellentia Virginie Mariae à saint Anselme, Il a été en effet imprimé parmi les œuvres du saint docteur dans plusieurs éditions même très anciennes. Mais le père Gerberon, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, dans son édition, qui est la plus estimée, affirme sans hésiter qu'il a été écrit par le moine Edmer. Son sentiment suivi par Wharton, Anglia Sacra, tome 2, préface 12, Monsieur de Ram, Vie des Saints, tome 2, page 405, et autres, repose sur la foi d'un manuscrit du bec et sur le style même de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, on peut croire que ce livre, souvent cité, rend fidèlement la doctrine de saint Anselme, car Edmer, disciple, ami, confident, collaborateur et compagnon inséparable du saint, n'a fait souvent dans ses écrits que développer la pensée de son maître. Fin de la note. Voici comme je raisonne d'après ce principe. L'Église regarde comme inconvenant d'offrir à Marie des louanges incertaines et douteuses, or l'Église permet, disons plus, elle trouve bon qu'on prêche son Immaculée Conception, accordant même des indulgences à celui qui répète ses paroles. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tache du péché originel n'existe pas en vous, donc l'Église ne tient pas ce privilège pour incertain ou douteux, et beaucoup moins encore pour faux. On pourrait former un raisonnement différent de celui-ci, mais qui concourt au même but, bien qu'indirectement. L'Église ne permet pas, du moins à tout le monde, de dire de Marie qu'elle a été conçue dans le péché, donc elle regarde cela comme inconvenant. J'avoue pourtant que ce second argument est beaucoup moins fort que le premier. Maintenant, dites-le-moi, si saint Anselme vivait de nos jours, s'il voyait ce que nous voyons, que devrait-il dire de l'Immaculée Conception? Conformément à ses principes, il ne pourrait évidemment faire autre chose que de confesser que Marie a été indubitablement conçue sans la faute originelle. Venons-en à saint Bernard et à saint Thomas. Ces deux grands docteurs s'accordent à admettre le même principe, savoir que l'Église ne peut point célébrer la fête de ce qui n'est pas saint. Écoutons saint Thomas. L'Église célèbre la nativité de la bienheureuse Vierge. Or, on ne célèbre de fête dans l'Église que pour honorer les saints. Donc la bienheureuse Vierge fut sainte dans sa nativité, et par conséquent elle dut être sanctifiée dans le sein de sa mère. Partant du principe de ces deux fameux docteurs, j'en déduis un argument semblable en faveur de l'Immaculée Conception. L'Église ne célèbre de fête que pour honorer les saints, or l'Église fait la fête de la conception de Marie. Donc Marie fut sainte dans sa conception. Mais elle n'aurait pas été telle, si elle avait été conçue dans le péché, donc elle fut conçue sans péché, sa conception fut immaculée. Dira-t-on que l'Église ne fait pas proprement la fête de la conception de Marie, mais seulement de sa sanctification? Cela est évidemment faux, puisque l'Église a défendu d'employer le mot de sanctification dans cette solennité, pour ne se servir que de celui de conception. C'est de la conception qu'on célèbre la fête, c'est donc la conception qui fut sainte. Qu'on n'aille pas encore insister en disant que Marie fut sanctifiée dans le second instant de sa conception, car je dis que la conception dans toute la force du terme, ou l'infusion de l'âme dans le corps, c'est ce qu'on entend ici par conception, n'admet pas plusieurs instants l'âme étant indivisible, elle ne peut avoir été infuse en plusieurs temps, l'infusion de l'âme dans le corps est totale ou nulle. Saint Thomas, en voyant l'Église célébrer la fête de la nativité de Marie, dit, non pas qu'elle avait été sanctifiée immédiatement après sa nativité, Car dans ce cas toujours serait-il vrai que la nativité ne serait ni sainte, ni digne d'être célébrée par une fête, mais bien que la sanctification précédât la nativité même. On objectera peut-être d'après cela qu'il faudrait que la sanctification de Marie eût précédé sa conception, pour que celle-ci pût être appelée sainte. Mais cela n'est pas nécessaire. On comprend fort bien qu'avant la conception, la Sainte Vierge ne pouvait pas exister, ni par conséquent être sainte. Il suffit que sa très sainte âme ait été ornée de la grâce dans sa création, et antérieurement à son infusion, qu'ensuite elle n'ait pas été souillée par l'infusion même, ou son union actuelle avec le corps déjà préparé pour la recevoir. Cela étant, il demeure toujours vrai que la conception fut sainte et partant digne d'être célébrée par une fête, suivant les principes de Saint Bernard et de Saint Thomas. Que faut-il donc penser de ces deux docteurs de l'Église? Que penseraient-ils eux-mêmes, conformément à leurs principes, s'ils voyaient que l'Église universelle a adopté la fête de la conception de Marie? Ils ne pourraient certainement répéter que les mêmes arguments. L'Église ne fait la fête que de ce qui est saint, or elle fait la fête de la conception, donc la conception fut sainte, donc elle ne fut pas entachée du péché originel. Je ne vois pas comment ils pourraient parler différemment, sans contredire le principe qu'ils ont posé. Il est donc évident que ceux qui raisonnent de la sorte, suivent plus fidèlement saint Thomas que ne le feraient ceux qui argumenteraient tout autrement, les premiers s'en tiennent à l'esprit, les seconds à la lettre. Outre les arguments tirés de ces trois docteurs, on pourrait en apporter bien d'autres, mais pour n'être pas plus long qu'il ne faut sur un point dont on peut dire que personne ou presque personne ne doute, je m'arrête. Ceux qui voudraient en savoir davantage peuvent avoir recours à Suarez et aux autres théologiens qui ont écrit sur cette matière. Seulement j'ajouterai une preuve tirée du sentiment commun ou presque commun des fidèles, la majeure, et même la très grande partie des fidèles regardent Marie comme immaculée dans sa conception, donc Marie est réellement immaculée. Tout le monde voit de quel poids est un tel argument, ce serait une insigne folie, à mon avis, d'aller dire que la plus grande partie des fidèles se trompe en suivant un sentiment, vers lequel penche ouvertement l'Église universelle elle-même, comme l'assure Benoît XIV, Infesto Conceptionis. Ainsi, nous pouvons avancer librement que Marie est immaculée, qu'elle est exempte de la contagion du péché de notre premier père Adam. Nous devons donner à celle qui est digne de toute louange, tous les éloges qui lui conviennent, la foi demeurant intacte, nous devons accorder à la très sainte Vierge tout ce qui fut jamais accordé à une pure créature, je dirais plus, tout ce qui peut convenir à une pure créature. C'est ce qu'exige, selon moi, et notre devoir de fils, est la dignité sublime d'une si auguste mère. Tout cela est bien, mais si la foi en souffre, l'Écriture nous dit que tous les hommes ont péché en Adam. Romains 5, 12. Elle nous dit aussi que tous les hommes ont été rachetés par Jésus-Christ de l'esclavage du péché. Elle nous dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne pèche, donc, ne vous inquiétez pas, mon cher frère, celui qui proclame Marie exempte du péché originel, n'avance rien contre la foi, et quant au premier chef, je dis que ces paroles se vérifient aussi de la très sainte Vierge, car suivant l'opinion de Suarez et de beaucoup d'autres, bien que Marie n'ait pas de fait contracté le péché originel. Il est vrai néanmoins qu'elle a péché dans Adam, puisqu'elle fut aussi comprise dans Adam, en tant que descendant de lui, quoiqu'ensuite, par un privilège spécial, l'effet de cette fatale contagion ait été arrêté. Dieu empêcha que Marie ne contractât de fait cette tâche à laquelle elle aurait été sujette, voir Suarez, Antoine, etc. Cela n'ôte rien à la prérogative de l'Immaculée Conception, car il est vrai tout à la fois et que Marie fut toujours immaculée, et que d'ailleurs elle a péché dans Adam. Pour ce qui est de la seconde difficulté, elle s'évanouit d'elle-même, puisque Marie dans cette supposition fut vraiment rachetée par Jésus-Christ, délivrée par les mérites de son sang, tout aussi bien qu'on pourrait dire d'un homme qu'il a été sauvé de l'esclavage, si, tandis que des barbares étaient sur le point de l'enlever, une personne charitable avait déboursé d'avance le prix de sa rançon, afin de le préserver de tomber entre leurs mains. Quant à la troisième difficulté, on peut la résoudre comme beaucoup d'autres tirées de passages semblables, par exemple, psaume 115, 11, en disant que ces sortes de propositions peuvent admettre et admettre souvent des exceptions. Toute législation enseigne que les lois générales sont souvent inapplicables aux personnes qui, par un privilège du prince, jouissent d'exemption. C'est ce que vous voyez dans Esther, une des plus belles figures de Marie. Assuérus porte une loi qui ordonne que tous les Hébreux seront exterminés. Esther se présente devant lui, et il la rassure en disant « La loi n'est pas faite pour vous ». Cette réponse peut être appliquée de la même manière à toutes les autres objections tirées de l'Écriture, et de plus à celles qui pourraient être faites par ceux qui prétendent que non seulement Marie n'a pas contracté le péché originel, mais que même la nécessité de le contracter n'a jamais existé pour elle. Quoi qu'il en soit de cette dernière opinion, je me contente, quant à moi, de croire et de soutenir que Marie a été conçue sans péché. Oui, répétons-le dans la joie de notre cœur. Ô Marie, miroir brillant et sans tache, non, la souillure du péché originel n'existe pas en vous, vous seul êtes demeuré pur au milieu du déluge universel du péché. C'est vous qui avez apporté le signal de la paix entre Dieu et l'homme. Vous êtes la belle Esther qui seule ne fut pas comprise dans le décret de mort porté par le roi, celle par conséquent qui obtint aussi le pardon des malheureux coupables. Vous êtes la belle Aurore, le brillant éclat de la lumière éternelle qui ne souffre point de tache. Vous avez été toute belle et toute ravissante aux yeux de votre Dieu. Votre pureté immaculée a surpassé la pureté de toute autre créature, soit corporelle, soit spirituelle, Concile d'Éphèse. Vous êtes donc plus pur que tous les hommes, plus pur que les anges, que les archanges, que les séraphins, que les chérubins. Dieu seul vous surpasse en pureté. Ô Vierge Immaculée, je vous félicite et je me réjouis, ô ma mère, du mérite éclatant dont vous êtes ornée, que mon cœur est inondé de joie, quand je pense au don surnaturel de ma mère, à sa pureté sublime, immaculée. Mais quel sujet n'ai-je pas en même temps de me confondre moi-même, en me voyant plein de souillures et de péchés. Ô mère très pure, rendez-moi pur, sinon autant que vous, ce qui ne peut être, du moins autant que le comporte ma fragile nature. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.